des petits mâles. Mais ça serait gentil, un petit et très joli. Nous sommes des lutins, des petits coquins. Les petits sont des friandes. Nous sommes des lutins, des petits.